France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. L'unique style qui compte pour moi, que je mets au plus haut point, c'est le style de la conversation, disait Paul Léoto à Robert Mallet lors de leurs célèbres entretiens du début des années 50. Cela tombe bien, ces entretiens furent enregistrés et provoqués par la radiodiffusion nationale, conservée depuis pieusement par l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Un homme que le mot « admiration » fait pouffer. Un homme qui dit qu'il faut écrire comme ça vient, uniquement. Un homme qui prétend que ce sont les mauvais écrivains, en réaction, qui lui ont appris à écrire. Un homme libre. Je n'ai aucune attache. Un homme coléreux, amusant, talentueux. Paul Léoto face à Robert Mallet. Suite de leurs entretiens dans les nuits de France Culture. La radiodiffusion française présente... Entretien avec Paul Léoto. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Est-ce que vous aviez pressenti dès 1910 l'importance du rôle d'Apollinaire dans l'évolution de la poésie française ? Oh non, non. Non, j'ai jamais eu de préoccupation comme ça. Et vous ne vous rendiez pas compte de l'autorité de son goût en matière artistique, de la révolution qu'il était en train d'opérer? Oh non, non, ça je n'ai jamais été porté à ça. Non, mais sans y être porté. Non, vous auriez pu vous en rendre compte. Non, c'était alors trop sérieux pour moi, ça. Vous n'avez jamais été. Non. Vous n'avez jamais cherché exactement le pourquoi de vos réactions. N'est-ce pas, vous avez eu vos réactions et ça vous a suffi. C'est ça. Oui. Mais vous avez entretenu avec lui une correspondance dont il n'a été malheureusement conservé que deux lettres de vous. Du moins, deux lettres de vous ont été publiées. Elles sont datées de 1914 et 1915. Et elles m'amènent à vous poser d'autres questions relatives à la conduite d'Apollinaire et à votre propre attitude pendant la Première Guerre mondiale. Écrivant à Charles Maurice, en 1914, au début de la guerre, vous dites: j'ai reçu hier une lettre bien curieuse d'Apollinaire. Je dis curieuse par un certain ton qui se dégage des mots. Je l'aime beaucoup, vraiment. Il dit n'être pas mal dans son costume d'artilleur, mais que diable a-t-il été faire là? Il dit que des amis lui offraient l'hospitalité et l'entretien complet en Suisse pendant toute la durée de la guerre, mais qu'il aurait payé cette tranquillité momentanée par des remords. Il a passé à Nice 4 mois qui furent les délices de Capou, mais qu'il a bien fallu s'arracher à ce bonheur pour faire son devoir. Et vous concluez, tout cela sonne curieusement pour moi. Je voudrais savoir ce qui sonnait curieusement pour vous dans les propos d'Apollinaire. Permettez, ça n'est pas, ça doit être à Paul Maurice, la lettre. Ah, j'ai dit Charles Maurice. Oui, Paul Maurice, excusez-moi. Ça sonnait drôle pour moi, parce que moi, ces choses-là ne me souffrent rien. Et que je disais, j'ai écrit à Apollinaire quand il était plus froid ou à Nice ou ailleurs. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette histoire? Et c'est là qu'il m'a répondu, enfin, j'ai conquis un commencement de réputation en France et je ne pouvais pas faire ce que j'ai fait. Mais c'est faire preuve d'honnêteté. Oui. Vous approuvez son geste, je pense. Non. Vous auriez été à sa place. Ah, je ne sais pas ce que j'aurais fait. N'est-ce pas? Je ne peux pas imaginer ça. Je sais que vous n'avez pas beaucoup d'imagination, mais tout de même... Non, je ne peux pas me mettre dans la peau... Supposez ce que vous auriez fait. Je ne peux pas me mettre dans la peau du juif polonais qui était Apollinaire, n'est-ce pas? Venant en France après des hasards de famille, et puis enfin, s'y révélant comme écrivain et commençant une réputation qui, en effet, pouvait, si l'on veut, lui créer des devoirs de citoyen. Oui, moi, je ne peux pas me mettre à la place de ça. Bon, c'est très bien comme ça, mais voilà. Dans une de vos réponses à Apollinaire, une réponse dans laquelle vous aviez glissé ce que vous appelez un tout petit billet, ce qui prouve que vous étiez très, très généreux avec lui, car ce tout petit billet, à l'époque, devait pour vous être une grosse fraction de votre mensualité, eh bien, dans cette réponse, vous lui dites: votre lettre a été pour moi une vraie surprise. Je ne vous aurais pas cru ces dispositions, ces sentiments. Il y avait encore des côtés de vous que je ne connaissais pas. Ou alors, quoi vous a changé? Moi, je ne m'en félicite ni ne me le reproche. Rien de tout ce qui se passe depuis 5 mois passés ne m'a changé sur aucun point. Et si j'éprouve un sentiment, ce n'est que d'horreur et de dégoût. Je suis néanmoins heureux de votre bon état d'esprit. Tant mieux, tant mieux. Du moment qu'on y est, mieux vaut y être avec bonne humeur et acceptation que dans des dispositions d'esprit opposées. Bien, je voudrais que vous précisiez ce que vous avez exprimé dans cette lettre, c'est-à-dire votre fidélité à certains sentiments que vous avez toujours eus depuis votre enfance, cette fidélité à laquelle s'ajoute un nouveau sentiment, celui d'horreur et de dégoût en présence de la guerre. Oui, maintenant, ce n'était pas une fidélité à des sentiments, c'était plutôt une absence complète de certains sentiments. Oui, enfin, c'était une fidélité à une certaine absence complète de sentiments. Oui. Vous vous êtes toujours insurgé pendant la guerre 14-18 contre la littérature de propagande patriotique, celle d'un Barrès, par exemple, ou même celle d'un Gourmont. Oui. Je m'en suis aperçu en lisant attentivement les comptes rendus des pièces de tendance patriotique. Je me suis aperçu que dans vos analyses à propos de ces pièces, vous avez en pleine guerre 14-18 su dire ce que vous pensiez sans pourtant vous attirer les foudres de la censure. C'est ainsi qu'en novembre 1915, vous commentez les couplets d'une revue de RIP, dans lesquels le soldat chante « Tralalalala, on les aura, a pas peur, on tient bon, moi je donnerai pas ma place pour un boulet de canon. » Et vous ne vous gênez pas pour dire « Espérons-le qu'on les aura, mais quel peuple belligérant ne chante pas de même en ce moment à l'adresse de ses adversaires. » Ouais. Il y a une chronique dramatique de ce moment-là, je ne sais plus laquelle. Vous savez que quand Apollinaire était blessé, trépané, rétabli, il est entré censeur. Il était censeur dans un bureau à la Bourse. Il y a une chronique, je ne sais plus laquelle, où j'ai été lui demander, dites donc, hein, tâchez qu'on ne me supprime rien. Je ne sais plus laquelle c'est. Et il a fait en sorte qu'on ne vous censure pas. Oui. J'ai l'impression que pour vous, en cas de guerre, l'intelligence ne doit jamais céder le pas à ce qu'on appelle la nécessité sentimentale. Oui. Vous voulez toujours que l'intelligence prédomine. Si nous abordons une autre, j'ai mon programme là-dessus. Mais pourtant, n'avez-vous pas fait coïncider parfois, vous-même, l'intelligence et le sentiment, justement dans le cadre de la guerre? Et votre éloge de François Porcher, qui avait su unir dans la même pitié les combattants français et allemands, n'est-il pas la preuve que votre intelligence tient compte du cœur et essaie d'étayer l'une par l'autre? Mais pas du tout, c'est pas le cœur. Chez Porcher, il n'y a pas le cœur, c'est l'intelligence, c'est la raison qui parle, c'est la clairvoyance. Il dit... Mais aussi, il y a une clairvoyance du cœur. Non. Porcher a dit... C'est celle que vous avez sans vouloir le reconnaître. Victime des deux côtés. Donc, respect des deux côtés. Cette possibilité de raisonner, c'est avoir un cœur qui vous permet de raisonner de cette façon-là. Si. C'est par le cœur qu'on arrive à cela. Non. C'est d'avoir une intelligence qui domine le cœur. Non, car il ne manque pas d'hommes intelligents qui n'ont pas de cœur. Le cœur tout seul dirait « Vive le français !» à bas de boche. Voilà le cœur. Non, je ne suis pas du tout de votre avis. Tandis que la raison de Porcher disait... Ce serait un cœur cloisonné, un cœur étriqué, mais ce ne serait pas le cœur dans son acception la plus large. Non. Mais avez-vous approuvé l'attitude de Romain Rolland, qui, alors réfugié en Suisse, exprimait dans son salaire... Attention, il n'était pas réfugié en Suisse. Il résidait en Suisse. Vous savez, c'est qu'on lui achetait ça au visage. On lui a acheté à ce moment-là qu'il était parti, avait quitté la France pour aller en Suisse. Oui, mon mot est inexact. Oui. Il y vivait. Oui. C'est beaucoup. Mais avez-vous approuvé son attitude quand il a exprimé dans son au-dessus de la mêlée des idées pleines d'intelligence et de générosité, mais qui pouvaient tout de même faire douter les combattants français? Mon cher, j'ai toujours pensé ce jour-là et encore plus aujourd'hui qu'au-dessus de la mêlée est une niaiserie. Une ânerie. Moi, j'ai lu à cette époque-là le nommé Follin, l'idolâtrie patriotique, comme ouvrage subversif sur le patriotisme. C'est une montagne. Mais pourquoi qualifiez-vous au-dessus de la mêlée de niaiserie? Parce que c'est de l'eau de rose. Tandis que l'autre, c'est de l'eau de rose, Romain Rolland. Cet homme-là avait une âme de pasteur. Il me répugne, cet homme-là. Non, mais vous appelez une niaiserie et de l'eau de rose une œuvre au-dessus de la mêlée. Et vous appréciez les Butors et la Finette, qui n'a pas plus de force qu'au-dessus de la mêlée. Je ne vois pas pourquoi vous faites une telle différence injuste et injustifiée. Moi, j'ai au-dessus de la mêlée une niaiserie. Non, mais d'ailleurs, je ne vous demande pas de juger cette œuvre au point de vue même littéraire. Je vous demande si vous pensez qu'il était opportun de la publier pendant la guerre. Ah oui, oui, oui, oui. On a bien laissé paraître la brochure de Frelin, qui était autre chose. En France? Oui. Et quel est-il arrivé à ce Frelin? Rien du tout. Il n'a pas été inquiété? Pas du tout. Il est mort il y a peut-être 2 ans, dans une ville de province où il résidait. Mais ne pensez-vous pas que si un écrivain se désolidarise de sa communauté en cas de guerre, il est préférable qu'il se taise, ou parle comme vous l'avez fait, avec une réserve qui ménage la sensibilité nationale et qui ménage aussi sa sincérité d'écrivain? Qu'en pensez-vous? Je crois que... je sais pas, on peut se taire ou alors mettre les pieds dans le plat carrément. Mais vous n'avez pas mis les pieds dans le plat, et vous ne vous êtes pas tu, justement, vous avez... Ah oui, enfin j'aurais pu... Vous avez obtenu un résultat moyen, assez équilibré, qui vous a permis d'être sincère sans pourtant vous faire censurer et enfermer au besoin. Oh, je ne sais pas si à cette époque-là on enfermait. Oh, certainement. Ah. Enfin, ce qui ressort de ce que vous avez dit, c'est que le déclenchement de la guerre 14-18, n'est-ce pas, n'avait pas transformé vos pensées. À l'inverse de ce qui s'était produit chez Apollinaire, Rémy de Gourmont ou Gustave Hervé. Et, n'est-ce pas, pour Apollinaire, faisons la réserve de ce qui se passait à l'intérieur de lui, n'est-ce pas? Faisons la part du mobile qui l'a guidé. Oui. Nous ne savons pas si... s'il n'y avait pas là comme nécessité, un certain intérêt de carrière. Il y a peut-être une restriction mentale. Oui. Mais si votre façon de penser n'a pas changé, votre façon de vivre, elle, a dû se transformer, inévitablement, avec la guerre. La régularité de votre existence a certainement été troublée, que vous l'ayez voulu ou non. Pourquoi voulez-vous que moi... N'avez-vous pas quitté Paris en 1914? J'ai quitté Paris quand cet ami de Pornic est venu me chercher pour l'aider à transvaliter ses animaux là-bas. Si elle ne vous l'avait pas demandé, vous seriez resté à Paris. Oh, absolument. Vous n'aviez pas peur de l'invasion? Oh, je n'ai jamais eu peur. C'est peut-être une légèreté d'esprit, mais je n'ai peur de rien. Oui, vous êtes parti pour Pornic et vous avez emmené des animaux. J'ai emmené les animaux du fléau. Combien étaient-ils? Oh, il doit être 12 ou 15. Eh bien, ce voyage a dû être une partie de plaisir. Ah oui, on a mis 3 jours pour aller à Pornic. Voilà tout ce que vous avez fait pour une femme. Vous l'avez peut-être fait plus pour les animaux que pour elle. D'arriver à Pornic, rouillé momentanément, à mort avec elle. Parce que... Oui, je m'en doute. Vous deviez lui en vouloir de cette équipée. Mais non. Vous savez, on m'a mis 3 jours. Alors, le train s'arrêtait quelquefois, 2 heures, 3 heures. Dans une campagne déserte pour les nécessités de passage d'autres trains. Enfin, le train s'arrête dans une étendue considérable où il n'y avait rien du tout. Elle me dit d'aller me chercher un melon. Je lui dis, écoutez, ma chère, attendez, c'est à Pornic, vous achèterez un melon à Pornic. Elle n'a pas répété. Mais quand elle est arrivée à Pornic, ce que j'ai encaissé pour n'avoir pas compris qu'elle mourait de soif et qu'il fallait aller lui chercher un melon. Et notez que si j'étais allé chercher un nom, il y avait bien 2 kilomètres à aller, et que je suis revenu quelques fois sur le camp. Bon, elle pensait que si vous pouviez faire 3 jours de chemin de fer pour elle, vous pouviez aussi faire 2 kilomètres en plus. Ah oui, mais c'est le train des marais. Enfin, oui, voilà. Oui, et vous êtes resté à Pornic combien de temps? 1 mois. Vous habitiez chez elle? Ah oui. Avec le mari? Avec le mari. Oh, ben, c'est parfait. Tout allait pour le mieux, et les 15 animaux? Et les 15 animaux. Et vous êtes... Et comme je l'ai écrit, j'ai écrit ça, tout ce qu'elle... l'attention, la peur remarquable qu'elle a eue, arrivée là-bas, c'est de me faire coucher la cave. Je lui ai écouté, ma chère... Coucher à la cave? Oui! Par crainte des bombardements? Je l'ai écouté pour coucher la cave, j'aurais aussi bien pu coucher dans ma cave à moi. Mais vous ne l'auriez pas amené, les animaux, ce qui n'était pas la bonne chose. Ouais. Vous vous êtes ennuyé à Pornic? Oui. Malgré oui. cette nombreuse compagnie? Oui. Bon, enfin, il y avait des distractions. Mais je crois que... le spectacle de la mer n'a pour vous aucun attrait. Non. Et qu'il finit même par vous lasser. Ouais. Vous avez écrit, je l'ai relevé dans vos écrits, « La mer m'ennuie. Je m'en occupe autant que si j'étais dans un village de Seine-et-Marne. Je n'ai devant elle que l'impression du vide. La nuit, je trouve sinistre le bruit qu'elle fait. » Comment expliquez-vous cette antipathie pour la mer? Oh, ben que ça s'explique pas, ça. Et puis j'avais aussi... J'avais composé quelques vers sur le mari et la femme, là. Gourmallon les Moules. Ah, je ne les connais pas, ces vers, que vous voulez dire. Ils sont la villégiature. Vous ne les savez pas par cœur? Non. Je m'en peux proposer, n'est-ce pas? C'était des vers humoristiques? Oui. Vous vous moquiez de vos hôtes? Oui, c'est Gourmallon les Moules. Mais comment, je reviens sur cette idée, comment expliquez-vous tout de même que vous soyez tellement plein de répulsion pour la mer? Un homme comme vous qui aime la solitude, il me semble que la mer doit lui procurer une impression d'immensité déserte. Non, moi, très agréable. Non, ça ne se définit pas, ça, on est comme ça, n'est-ce pas, vous regardez ça, vous trouvez ça. Mais est-ce que ce dénigrement de la mer ne fait pas partie de votre hostilité systématique à l'égard de la nature? Je suis peu sensible à la nature, mais j'aime mieux une petite rivière dans un paysage que la mer. Oui, cette impression d'immensité vous... Oui, ainsi, vous accable. Dimanche, je suis allé déjeuner dans un pays, je ne sais plus lequel, la voiture a traversé la Marne, que je n'avais jamais vue, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai dit, tiens, ça n'est pas mal. Voilà. Ensemble, vous aimez un peu d'eau, mais beaucoup vous ennuyez, ah, oui, c'est oui, ça oui. Je trouve qu'une rivière a plus d'expression, en paysage, que la mer. Ben, vous trouvez plus subtil. Plus fin, plus intime. Plus nuancé. Mais vous seriez très près de dire, je crois, marâtre nature, et vous seriez aussi très près de vous moquer de cette belle phrase, mais la nature est là qui t'invite et qui t'aime. Oui. Vous n'avez jamais trouvé aucune consolation dans la nature. La nature est une chose affreuse. Songez à toutes les morts successives que représente la nature. Eh bien, ce que vous dites est une exacte transcription de vers de Vigny dans la maison du berger. Ah. Oui. Vous êtes un pessimiste à la Vigny, voilà. Vous êtes un romantique, je vous l'avais déjà dit. Dans la nature, le petit sert de pâture un plus gros, qui sert de plus gros. Les arbres, il y a des arbres qui tuent les voisins qui les empêchent de se développer. La nature est une suite de cruauté. Cette forme de nature que vous avez trouvée à Pornic, cette nature maritime, vous a donc déplu en même temps que... proximité, je ne veux pas dire la promiscuité, avec le mari, sans doute, qui vous gêne. Ah non, c'est charmant, le mari. Ouais, charmant. Charmant. Charmant. Il passe les soirées dehors, ça passe un mari compréhensif. Mais non, il ne comprenait rien. Toutes ces choses-là étaient mortes pour lui, il les soupçonnait même plus que les autres. Enfin, vous êtes rentré à Paris tout de même, malgré les charmes de la femme. Oui. Et vous étiez âgé à ce moment-là de 43 ans. C'est ça. Vous aviez été réformé à l'âge de 20 ans après une très courte carrière de chasseur, à pied, plus fantaisiste que discipliné. Ouais. N'avez-vous pas fait une nouvelle expérience militaire pendant la guerre 14-18? Ah, j'ai été repêché par la loi d'Albiès. En 1916 ou 17? 16. Vous avez comparu devant un nouveau... Oui, conseil de réforme. Oui, mais il y avait des conseils de révision pour éplucher tous les réformés. Alors, j'ai passé un conseil de révision, j'ai trouvé un major qui m'a pris comme service auxiliaire. Alors, j'avais été mobilisé en Seine-et-Oise. Je me suis remis pour être mobilisé dans la... Mais dans quelle arme étiez-vous auxiliaire? On vous avait tout de même mis dans une... Un service qui était affilié à une certaine arme. Vous ne vous en souvenez plus? Je n'ai jamais vu. Vous n'avez pas revêtu l'uniforme? Ah si. Si, j'ai revêtu l'uniforme une matinée. Uniforme bleu horizon? Une matinée. Ça m'a coûté 20 francs, Dieu sait si j'étais foutu. Vous avez été une matinée soldat pendant la guerre 14-18. Voilà. En uniforme. Voilà. Et comment a pris fin votre nouvelle carrière là? Ah ben, la démobilisation, après la guerre. Non, vous dites que vous êtes resté simplement un jour soldat. En uniforme, mais enfin, fait d'être... Ah, mais j'étais toujours remis mobile. En civil prouvait qu'on vous avait rendu à vos foyers, tout de même. J'étais au Mercure, j'étais quand même mobilisé. Je touchais après. Vous étiez auxiliaire au Mercure. Vous ne touchiez plus la mensualité du Mercure, mais un prêt de l'armée. Je touchais moitié d'appointement au Mercure. Ah oui. Voilà, et puis je touchais mon prêt. En somme, on vous a... mobilisé, ou plutôt immobilisé au Mercure. Si vous voulez. Oui. Et vous n'avez pas d'anecdote à nous rapporter sur votre expérience militaire? Il a été décidé que les premiers jours de chaque mois... On ferait un appel. On irait répondre à un appel dans une cour de l'école militaire. Alors, Je me rappelle un appel, ça devait être au mois d'août, il faisait une chaleur terrible. Et c'était le moment où il y avait, paraît-il, une avance terrible allemande du côté de Château-Thierry. En 1918, oui. Oui, mais une avance qui, paraît-il, enfin, était... Enfin, une alarme, une très grande alarme. Hein? Oui. Et alors, j'étais là, il y avait une heure et demie dans la cour de l'école militaire qu'on attendait le petit lieutenant qui devait faire l'appel. Un soleil torride. Alors, j'avais à côté de moi un gaillard qui avait son képi à la main, qui s'épongeait, hein, et qui s'est mis à dire « Ah! Oh, ah, quel soleil !» Et moi, c'est parti plus vite que je ne l'aurais voulu. Je lui ai dit « C'est pas le soleil d'Austerlitz. » Eh ben, mon cher, j'ai cru qu'il allait me l'énoncer. Tellement il cherchait partout. Pour vous faire passer en conseil de guerre, eh ben, vous l'avez échappé belle. Oui! Quand la guerre de 1914 a pris fin, vous aviez 47 ans. Finalement, vos habitudes n'avaient guère été changées par les événements, si l'on accepte un court séjour à Pornic en 1914 et quelques heures de présence, sans l'uniforme d'ailleurs, sous la tutelle de l'armée, qui, avec beaucoup de lucidité, vous rendit très vite à la vie civile. Mais depuis l'année 1908, au cours de laquelle vous avez publié les morceaux choisis de Stendhal, avec une préface, je remarque que vous n'avez édité aucun volume. Il faut attendre 1925, si l'on veut avoir un reflet de vos pensées autres que celles de critiques dramatiques. Il faut alors lire Madame Cantilly, suivi de mots, propos et anecdotes. Et comment expliquez-vous, ou plutôt comment justifiez-vous, ce silence de 15 ans, cette apparente désaffection vis-à-vis du public? Mais écoutez, je n'aurais jamais osé demander à M. Valette de me publier un volume. Il a fallu une circonstance tout à fait curieuse. J'arrive un matin, je crois que c'était dans le milieu de 28. Et M. Valette me dit, oh, j'ai dîné hier au soir avec M. Gillon de la librairie Larousse et Maurice Martin Dugard. Alors, on a parlé de vous, n'est-ce pas? Et Maurice Martin Dugard a même dit, « Oh, oui, c'est un garçon, Léoto est un homme très original. » Et M. Gillon s'est même mis à dire, « un peu trop, même. » Bon, c'était la librairie, là. Alors, on a demandé aussi comment que ça se fait qu'on ne réimprimait pas le petit ami. Alors, j'ai eu, là, en deux minutes, une sorte de hardiesse, et j'ai dit avec, écoutez, moi, le petit ami, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai un volume tout prêt que je publierai bien. Mais il m'a dit, apportez-le demain, on l'envoie à l'imprimerie immédiatement. Et alors, j'ai mis en paquet, Pasteur, et on a publié Pasteur. Je voudrais savoir maintenant ce qu'était cette Madame Cantilly dont vous avez fait le sujet de votre plaquette. Ah ben, c'est une femme dont on m'avait raconté l'histoire. Vous ne l'aviez pas connue vous-même? Non, elle habitait rue Bonaparte, c'était une amie du fléau. Alors le fléau m'a un jour raconté l'histoire de Madame Cantilly, et j'en ai fait un feuilleton sur le champ. C'était une grande amie des animaux? Oui. Elle possédait un perroquet, je crois. Oui, une poule, un perroquet, oui, et puis un chien. Elle promenait sa poule place Saint-Sulpice. Elle faisait partie de ces êtres originaux, bizarres, chimériques, que vous avez toujours aimés. Oui, et puis elle avait comme maman qu'elle avait adoré un Roumain, n'est-ce pas? Monsieur Cantilly. Oui. Quant à vos mots, propos et anecdotes, vous les avez rédigés après avoir doublé le cap de la cinquantaine. Non. Si? Non, rédigés. Alors, vous les avez seulement publiés après 50 ans? Ah, bon. Non, je vous pose cette question, ouais. Et je crois d'ailleurs pouvoir y répondre pour vous, peut-être avec plus d'assurance, parce que j'ai relevé dans ces propos des notations comme celle-ci. La cinquantaine, qu'il serait dommage de partir au moment que je suis le plus sensible à toute chose. Ouais. Ça me laisse supposer que vous avez écrit ça quand vous aviez 50 ans. Oui. Vous n'avez pas écrit 40 ans sur vos pensées quand vous en auriez 50. Non, seulement alors, n'est-ce pas, vous dites que... j'ai rassemblé des choses que... Oui, mais cette notation, vous l'avez écrite quand vous aviez doublé le cap de la cinquantaine. Donc, je reprends cette notation. Il serait dommage de partir au moment que je suis le plus sensible c'est à toute chose. Oui. C'est ce jour-là, place à Sulpice, que, enfin, si vous voulez, J'ai résolu de me foutre le sou et d'écrire s'il plairait. Voilà. Comment pouvez-vous nous dire comment se manifestait chez vous cet accroissement de sensibilité qui allait de pair avec la maturité? Hop, vous n'en savez rien du tout. Vous dites, j'ai 50 ans, je suis plus sensible à toute chose que je ne l'ai jamais été. Ah. À quoi attribuez-vous cette sur-sensibilité? Ah, vous m'en faites pas. Et je remarque également dans ce même ouvrage, à quelques pages de distance de cette réflexion sur sa sensibilité, une autre réflexion qui semble plutôt la contredire. Vous dites, je crois bien que je suis arrivé à 54 ans à ne rien aimer que quelques bêtes qui vivent auprès oui, de moi. Oui, ça c'est la vérité. Je dis zut à tout le reste. C'est ça. Pour le restant de mes jours. Oui. J'ai l'impression que vous êtes davantage vous-même dans cette seconde oui. réflexion que dans la première. Oui, et je suis encore aujourd'hui plus ancré. Mais comment tout de même pouvez-vous expliquer cette apparente contradiction entre cette affirmation de sensibilité développée et cette autre affirmation de non-sensibilité? Mon cher, un jour on prend une note, 4 jours après on prend une autre. Mais pourquoi l'une est-elle plus valable que l'autre? Oh. Je sais que vous aimez mieux constater vos états d'esprit que les analyser, vous en donnez encore une fois la preuve. Et vous vous souciez fort peu de les justifier, ces états d'esprit. Ouais. Je n'ai jamais rien écrit que... comme si quelqu'un me le dit. Oui, mais il ne s'agit pas ici de justification, il s'agit simplement d'éclaircissement. Ouais, mais vous ne pouvez pas éclaircir non, cela. Non. Et vous vous refusez à le faire. Ouais, bon. Vous prétendez donc plus sensible, et ça je le dis puisque vous l'avez dit, vous prétendez plus sensible vers la cinquantaine. Et je remarque qu'il y a chez vous une sorte d'amertume à faire cette constatation. Cette amertume, vous n'aimez pas la reconnaître. Mais je crois qu'elle s'explique par votre sensibilité, qui s'est justement accrue, et par votre regret de ne pas avoir eu l'occasion de trouver des motifs valables à cette sensibilité. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est bien compliqué, tout ce que vous dites là. Et ça touche à des éléments humains que je n'ai jamais ressentis. Ben, vous les avez ressentis, en tout cas, ils vous ont intéressé, puisque ah non, peut-être vous sensible, en avez ou peut-être parlé. Sensible, si vous voulez, pour soi seul. En tout cas, dans vos textes, je relève bien des réflexions sur la sensibilité. Dès 1902, vous avez écrit, je vous cite, le 9 mai 1902 exactement, « Combien le plus souvent je me serais trouvé seul de cette solitude morale, quelquefois plus douloureuse quand on la constate que la solitude physique. » Vous n'avez donc pas l'air d'éprouver votre solitude très agréable. Vous avez écrit cela dans votre journal le 9 mai 1902, et c'est le Mercure de France du 1er mars 1940 qui l'a reproduit. Ah, oh. Oui. Tiens. Et en 1925, après avoir déclaré « Bonheur à celui qui vit seul, oui. bonheur le plus vrai et le plus sûr oui. », ce qui paraît vraiment votre, oui. votre pensée fondamentale, oui. Oui. vous écrivez pourtant, je m'excuse de vous lire comme cela et de parler à votre place, mais enfin, car vous avez oublié ce que vous avez été, je suis obligé de Je n'ai jamais passé d'examen, mais j'ai la sensation de passer un examen. Alors, je suis navré de vous donner l'impression d'être un examinateur, mais en somme, c'est vous, c'est par vous-même que je vous fais examiner, oui. puisque ce sont vos propres textes que je vous cite. Ouais. Vous avez donc dit, j'aurais un grand plaisir en ce moment à pouvoir dépenser une dizaine de mille francs en inutilité. Ma vie est si plate. Cela me donnerait quelques heures un peu vivantes. Oui, en effet. Donc, après avoir dit que le bonheur de la solitude était le plus vrai, vous dites que votre vie est très plate. Comment mais, conciliez-vous mais, ces deux ben, affirmations? On peut estimer que c'est un bonheur de vivre seul, et puis trouver que sa solitude est un peu plate, et que si on avait des petites secousses de temps en temps, comme Dieu les pensait des mille francs à acheter quelque chose qui le lendemain ne vous intéressera plus, c'est toujours un moment. Mais ce désir de rendre la vie moins plate ne correspond-il pas à ce que, toujours dans le même volume, vous appelez la jeunesse de l'âge mûr? Ouais. Vous dites être grave dans sa jeunesse, cela se paie souvent ouais. par une nouvelle jeunesse dans l'âge mûr. Oui. Mais quand j'avais 20 ans, j'avais toujours l'air d'être à un enterrement. Chose que j'ai complètement perdue. Vous reconnaissez donc avoir eu une jeunesse très grave? Oui, j'ai rajeuni prodigieusement avec les années. Vous avez donc été atteint ou comblé par cette deuxième jeunesse? Ah, pas sûr. Et vous êtes en plein en ce moment encore dans cette seconde jeunesse. Je suis beaucoup plus gai aujourd'hui que je n'étais quand j'avais 20 ans, vous savez. Je vous aurais lu sans vous connaître. J'aurais certainement cru qu'à cette époque de votre vie, en 1925, vous souffriez d'un état de solitude, voulu, prémédité, peut-être, mais devenu, malgré vous, de l'isolement. Jamais souffert de la solitude, jamais. Du reste, c'est moi qui l'ai voulu, la solitude. Oui, mais on peut vouloir certaines choses et en souffrir. Non. Non. Soirée, c'était le martyr d'une solitude qu'il affichait. J'aurais pensé que vous regrettiez au fond de n'avoir pas conduit autrement votre vie. Oh, pas du tout. Je l'ai conduit, n'est-ce pas, avec préméditation. Vous pensez donc que je vous ai mal lu? Non. Je l'ai toujours voulu, la solitude, toujours. Non, mais ces affirmations qui prouvent que vous souffrez tout de même de la solitude, je ne les ai pas inventées. Mais non, il peut y avoir des moments de vide, mais c'est pas la solitude. Écoutez, avouez tout de même qu'il m'aurait été facile, comme à tout autre homme, de la combler. Et j'en arrive ainsi, justement par ce que vous me dites à l'heure actuelle, j'en arrive à ce sentiment dont vous avez toujours nié la présence en vous, et sur lequel pourtant vous avez copieusement disserté, allant même jusqu'à consacrer à ce qui pour vous n'existe pas, un petit livre dont le titre est justement le nom de ce sentiment. Je veux parler de l'amour. Ouais. Tout d'abord, car tout ce que vous dites de l'amour découle, me semble découler de votre antiféminisme, pourquoi êtes-vous à ce point l'ennemi des femmes? Je vous dirais que c'est une question un peu brutale que je vous pose comme ça, vos propos eux-mêmes sont assez brutaux sur les femmes. Je trouve les femmes des créatures inférieures. Voilà. Mais vous n'affirmez pas cela sans avoir possibilité de justifier ce que vous dites. Écoutez, peut-être que je suis mal tombé, mais je n'en ai pas connu une qui me fasse changer de vie. Cette hostilité de principe vous a valu d'inspirer à votre ami le poète Fagus le petit quatrain suivant. Ô Boissard, les dames poètes, à tort vous proclament méchant, vous portez à toutes les bêtes un amour égal et touchant. Enfin, écoutez, vous pouvez pas nier que les femmes ont une infériorité sur les hommes. Si, je le nie. Je pense qu'elles ont une sensibilité autrement orientée, une intelligence différente, mais je ne trouve pas qu'elles soient inférieures. Elles sont complémentaires. Non. Il n'y a pas de femme qui est, ou alors, n'est-ce pas, des phénomènes. Il n'y a pas de femme dont l'intelligence puisse être mise sur le même niveau que l'intelligence d'un homme. On peut dire qu'une femme n'a pas l'intelligence créatrice de l'homme, mais elle a une autre intelligence. Laquelle? Bien, l'intelligence, par exemple, de la maternité. Oh, écoutez, n'est-ce pas, laissez-moi tranquille avec ça. Et l'intelligence de l'amour aussi, elle l'a. Eh bien, non. Elle a une autre façon de comprendre l'amour. Non. Non, parce que si, vous savez, on a fait une statistique sur la façon dont les femmes comptent dans l'amour. Il y en a 95, une statistique médicale. 95 pour qui c'est une corvée sans nom. Ah non, je parle de l'amour-sentiment et non pas de l'amour. Oh, laissez-moi tranquille avec ça. L'amour-sentiment, c'est de l'amour. Oui, tout à l'heure, je vous demanderai ce que vous pensez exactement de l'amour. En ce moment, nous parlons des femmes. Vous trouvez donc les femmes frivoles, volages, inconstantes, hypocrites. Enfin, vous leur trouvez tous les défauts. Oui. Et intéressées. Alors, vous êtes peut-être mal tombé, comme toutes vous dites. Toutes les femmes agissent par un calcul qui est plus ou moins grand, qui peut être différent dans sa matière. Je voulais dire intéressées sur tous les plans, pas seulement intéressées pécuniairement. Non, oui, intéressées moralement, intéressées pour un profit, intéressées pour les relations, intéressées... Vous croyez que l'homme n'est pas intéressé, lui? Non. Quand nous aimons une femme, nous ne l'aimons pas par intérêt, nous l'aimons physiquement. C'est un intérêt, là. Plaisir physique, c'en est un commandement. Oui, mais ça, alors, je suis de votre avis là-dessus, oui. Mais est-ce que vous êtes vraiment sincère? Ben, n'est-ce pas plutôt un jeu quand vous écrivez « Il n'y a pas de femme qui vaille une page qu'on a eu plaisir à lire. » Ça, incontestablement. Oui, c'est un jeu tout de même. Non. Et du reste, j'ai écrit, n'est-ce pas, les femmes ne se doutent pas qu'avec une plume de l'encre et du papier, on peut se foutre d'elles. Mais c'est souvent pour parler d'elles. Pourquoi non? Vous l'avez prouvé vous-même. Mais non, je n'ai pas écrit sur les femmes, tout de même. Vous compensiez souvent l'absence de femmes par ce que vous écriviez sur elles. Mais non, je serais plus écrit sur les femmes. Oh, ouais, je m'excuse de vous contredire, vous avez énormément écrit sur les femmes. Mais non. Et quand on connaîtra votre journal intégralement, on s'apercevra que votre journal littéraire est consacré moitié aux femmes, ce qui est peu littéraire en somme. Oui, j'ai peut-être écrit beaucoup sur les femmes quand elles méritaient que je décrive un petit peu leur capacité en amour physique, ce qui est bien rare. Mais enfin, tout de même, là, c'est un jeu quand vous dites « celui qui ne comprend pas qu'on puisse étrangler une femme ne connaît pas les femmes ». Mais c'est pas un jeu, c'est la vérité. Vous avez eu envie d'étrangler des femmes ? Mais je pense que tout homme a eu cette envie-là. Et vous-même, en particulier, dans quelles occasions ? Ah non, moi, je ne suis pas violent. Donc, c'est de l'imagination. Vous imaginez que... Non, mais comment expliquez-vous cette misogynie qui est exacerbée ? Il faut le reconnaître. Comment l'expliquez-vous ? Non, je ne vois pas... Mais vous cherchez tout de même... Vous pouvez tout de même trouver une raison à cet état d'esprit, à cette hostilité. Enfin, je n'ai jamais voulu de femme... Dans ma vie oui, privée. Oui, vous constatez cela, mais pourquoi n'avez-vous jamais voulu de femme dans votre vie privée ? Parce que je tiens à être seul. Oui, mais c'est un cercle vicieux. Vous tenez à être seul parce que vous n'aimez pas les femmes. Mais vous non, pas mais les non. Femmes parce que vous voulez être seul. Mais non. Je vous demande pourquoi vous n'aimez pas les femmes. Vous dites qu'elles sont inférieures. Mais qu'est-ce qui vous donne cette impression qu'elles sont inférieures ? Qu'est-ce qui a l'expérience que j'en ai faite. Mais moi, j'ai mon explication. Je m'excuse aussi, mais je crois. Parce que vous avez dit, c'est un talent de savoir se moquer de ce qu'on n'a pas. Je ne veux pas dire que vous n'avez jamais eu de femme. Oui. Vous affirmez vous-même que dans votre vie, les femmes n'ont pas fait défaut. Mais c'est un talent de savoir... Ça ne vise pas les femmes. Non, ça peut les viser aussi. Non. Ça peut faire partie de vos considérations sur les femmes. Non. Vous ne précisez pas. Non. Je peux l'adapter aux femmes. Si vous voulez. Je veux dire que vous n'avez pas trouvé chez les femmes ce que sans doute inconsciemment, mais non moins profondément, vous en attendiez. Non. Non, vous interprétez ça... Et je n'interprète pas... Si, vous interprétez. Là, parce que la vérité absolue, c'est que, aussi bien quand j'avais 20 ans, que toute ma vie, mon travail a passé à tout, avant tout. Et jamais je n'ai voulu que mon intérieur soit compromis. Et si je vous contredis, c'est toujours avec des textes de vous-même. C'est toujours en m'étayant sur ce que vous avez dit. Ainsi, je peux vraiment croire que vous avez été déçu et que cette déception remonte. Je ne voudrais pas revenir sur ce sujet qui nous a souvent opposés, mais cette déception remonte à l'abandon dans lequel vous a laissé votre mère, puis à l'absence d'affection de vos successives belles-mères. Non, vous apportez rien. Vous avez écrit, monsieur Léoto, je n'ai jamais eu de chance avec les femmes, j'étais à peine né que ma mère me plantait là. Voyons, mon ami, c'est une boutade. Ah, bon alors tout à l'heure, quand vous dites que quand on a envie d'étrangler une femme, ce n'est pas une boutade, ici c'est une boutade. Mais oui. Il faudrait mettre des petites notes au bas de vos réflexions. Voyez bien de rapprocher le fait que ma mère m'a laissé là 3 jours après que j'étais né, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais eu de chance. Mais boutade, dites-vous, mais boutade qui cache sa vérité, vous l'avez dit souvent... Homme bouffon, homme triste, eh bien, ouais. Cette plaisanterie cache un fond de tristesse, j'en suis convaincu. Oh, vous savez, malade, vraiment, vous savez. Vous... Je sais que je vous insupporte en vous disant cela, mais... Non, qu'est-ce que c'est que ce verbe que vous venez d'employer ? Insupporter ? Oui. Eh bien, c'est le verbe qui correspond à l'adjectif insupportable. Non, il n'existe pas, ce verbe-là. Ah ben, il existe, puisqu'on l'emploie. Oh, c'est comme ça que les langues vivent, avec des néologismes qui sont peu à peu acceptés. Il y a un homme dans Combat avant-hier qui a écrit un article sur les perspectives de guerre que nous subissons en ce moment, n'est-ce pas, et qui commence à prendre un caractère obsessionnel. Il y a obsédant. Obsessionnel comporte une idée différente. Allons. Enfin, nous ne faisons pas ici le procès des néologismes, nous faisons celui des femmes. Enfin, vous le faites. Et vous avez dit, il faut avoir diablement aimé les femmes pour les détester. Oui, je vous cite. C'est une boutade. Ben, naturellement que j'ai aimé les femmes physiquement. Mais je n'ai jamais embelli une femme. Jamais, je ne peux pas. La christianisation dont parle tout à l'heure, vous savez, c'est pas mon fait. Ah, bougre non. Je vais vous demander, de préciser ce que pour vous est exactement l'amour. Car on peut, je comprends très bien que vous ayez été l'ennemi du mariage en raison de votre antiféminisme. Certains prétendent même... mais non, c'est pas l'antiféminisme, ma liberté. Mais enfin, les deux s'ajoutent. Non. Le désir de la liberté. Comme mon père a dit. Le désir de ne pas lier votre vie à un être que vous n'appréciez pas. N'importe quel autre. Je veux être seul. Quand mon père voulait me faire épouser Georgette parce qu'elle avait 15 000 francs qui paraissaient à ses yeux être seul, je lui dis quand l'argent sera dépensé, je serai embarrassé. Je veux être seul. N'est-ce pas ? Il n'y a qu'une chose qui m'a conduit dans ma vie, mon travail. Là. Et jamais je n'ai sacrifié mon travail à une amourette. Jamais. Même, j'ai eu deux passions dans ma vie. Même à la passion, jamais. Quand il y avait une chronique à écrire, tout le reste, c'était le corps. Vous venez de parler de passion. Oui, de passion physique. Oui, justement, voulez-vous m'expliquer ce que représente pour vous la passion, l'amour, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas? Et vous avez écrit dans votre plaquette intitulée Amour, deux pages, les deux pages d'ailleurs qui introduisent cette plaquette, dans lesquelles vous avez très bien résumé cette appréciation de l'amour. Voulez-vous nous les lire, ces pages? Ça fera plaisir aux gens qui sont sentimentaux, ce qui est la dernière des âneries. Sentiment. L'amour, c'est le physique. C'est l'attrait charnel. C'est le plaisir reçu et donné. C'est la jouissance réciproque. C'est la réunion de deux êtres sexuellement faits l'un pour l'autre. Hein ? Sexuellement faits l'un pour l'autre. J'ai bien entendu. Voilà. Le reste, les hyperboles, les soupirs, les élans de l'âme, sont des plaisanteries, des propos pour les niais, des rêveries de beaux esprits impuissants. La passion, c'est le feu que met en nous ce plaisir. Le sentiment, c'est l'attachement à ce plaisir et comme qui en dirait la gratitude, si ce mot pouvait s'employer en amour. La jalousie, les déchirements, jusqu'au meurtre qui en découle quelquefois, c'est le physique. C'est la représentation de l'être auquel on tient pour son plaisir, donnant ce plaisir à un autre. Une maîtresse qui meurt, on peut la regretter, on n'est pas jaloux. Une maîtresse qui vous quitterait pour entrer au couvent, on pourrait être désolé, on ne serait pas jaloux. Regardez un ménage. Le mari de beaucoup plus âgé que la femme. Celle-ci à l'âge auquel les rêveries se réveillent. Celui-là fini, et plus rien comme mari honoraire. Il est ascendu de la jalousie. Plus de questions sexuelles, plus de jalousie. Et même, les rapports moraux vont se modifier du tout pour tout. Autre preuve, côté homme comme côté femme. Deux êtres se connaissent, se plaisent, s'accordent surtout, chacun ne se voyant pas l'un sans l'autre. La réunion physique a lieu. Il y a dissemblance, opposition de nature, de goût, de façon, trop de froideur pour l'un, trop d'ardeur pour l'autre. Le premier déçu, le second choqué, le détail le plus insignifiant, physique ou sensuel, c'est fini. Le plaisir est impossible. S'ils sont libres, ils se quittent. S'ils sont mariés, c'est la chaîne. L'hostilité cachée. Deux êtres peuvent avoir, pour les éloigner, les faire différents moralement, mettre entre eux le plus profond des accords, tous les motifs extérieurs. Vous les voyez attachés l'un à l'autre, incapables de rompre, ne se quittant que pour se reprendre, parce que chacun a dans l'autre son partenaire pour le plaisir, dont il ne saurait se passer, ni voir à un autre ou à une autre. L'amour, c'est le physique. Et la Rochefoucauld l'a oublié. L'amour est encore une forme de l'intérêt. Ce qu'on aime dans un autre, c'est soi, c'est son plaisir, c'est le plaisir qu'on lui donne et qui est encore une forme de l'autre. Encore une forme ? D'une autre. Oui, de notre plaisir, oui. Voilà. Si vous n'avez pas aimé sentimentalement, si même vous faites une gloire n'avoir pas été mais sentimental. Mais non, je ne me fais pas une gloire. Je suis comme je suis. Je n'ai pas de vanité. Ah je... si, enfin, vous ne vous en faites pas une gloire. En tout cas, vous faites grief à ceux qui sont sentimentaux. Non, je les raille. Vous manquez de vous les railler. Je les raille, voilà. Et pourquoi les railler? Parce que je trouve ça niais. Parce qu'on peut... Donc vous pensez que vous, vous n'êtes pas niais. Donc vous vous glorifiez de n'être pas niais. Enfin, vous savez, quand un homme dit « Vous êtes l'étoile de ma vie », n'est-ce pas On peut être sentimental sans dire à une femme « Vous êtes l'étoile de ma vie ». Bon, au fond, c'est... dites-nous, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, voilà ce que ça veut dire. Oui, mais enfin, l'expression n'a rien à voir avec l'affaire elle-même. Non, vous savez, « Recoulage au clair de lune », ça c'est de la bêtise. Je sais bien, vous avez dit « Je ne suis pas fort pour la romance ». Je mais connais... on peut ne pas être fort pour la romance et tout de même être... fort pour le sentiment. Je connais une dame qui s'était éprise quand elle était jeune d'un écrivain. Bon. Ah quand elle m'a dit, mais il savait que se promenait au clair de lune. Ouais. Ça ne prouve même pas qu'il fût sentimental. Ça prouve qu'il était belle comme ses pieds et qu'il n'avait rien dans son pantalon. Comment on disait? Non. Oh non. Pour vous, seul compte l'amour charnel. Absolument, c'est ça qui fait. Mais moi, par exemple, n'est-ce pas, enfin, quand je dis que dans certains couples, quand on ne se connaît pas, l'un est choqué, mais moi, j'ai passé ma vie à passer pour un monstre de vice avec des dindes qui ne savaient pas ce que c'était que l'amour physique. Des dindes. Une phrase que vous m'avez dite au cours d'une de nos conversations m'a beaucoup frappé. Vous m'aviez dit que la mort de votre maîtresse, au plus fort de vos relations amoureuses, vous laisserait complètement indifférent. Absolument. Comment expliquez-vous qu'une cessation de plaisir, même simplement physique, puisse vous laisser indifférent? Parce que je ne suis attaché qu'au physique. Justement, la mort est une rupture avec le physique, une décomposition de la personne physique. Je suis insensible à... Je ne suis pas pitoyable, la mort ne me touche pas. Il ne s'agit pas d'avoir pitié de la personne qui est morte, mais d'avoir pitié de soi, soit puisqu'on est privé de cette personne morte. Écoutez, quand j'avais 18 ans, j'habitais le Faubourg Saint-Jacques. Après sa maternité, j'avais comme maîtresse une créature qui était un vrai Rubens. Et je me rappelle qu'un dimanche, je ne pensais dire que le dimanche avec elle, elle souffrait le martyr, paraît-il, des dents. J'ai pris mon chapeau et ma canne, je suis parti. Ça m'assommait, cette créature qui avait mal aux dents à qui j'ai mis ça. Ça ne m'intéresse pas. Vous n'êtes pas fait pour consoler les femmes faibles? Non. Et vous n'aimez pas être consolé par elles? Non. Non, moi, je ne suis pas sentimental. Non, mais là, il ne s'agit pas de sentiments, il s'agit de plaisir charnel, oui. De plaisir charnel pur. Oui, oui. Vous dites, voici cette femme que j'adore charnellement, oui. Elle vient à disparaître, je n'en souffre pas. Oui. Cela m'étonne. Eh ben non, c'est comme ça, et c'est la vérité. Seulement, cela ne s'est jamais produit. Oh, non. Vous n'avez jamais perdu, au milieu de vos relations affectueuses ou charnelles, une femme? Non. Donc c'est une hypothèse, une... Oui. Du reste, n'est-ce pas, je n'ai eu que deux femmes dans ma vie, enfin, pour qui je dis, ça compte peut-être un peu. Voilà, c'est tout. Le reste, c'était de la camelote. Les espèces de dindes, n'est-ce pas, qui... J'ai relevé dans vos aphorismes sur l'amour quelques-unes de vos affirmations. Et je voudrais vous demander de bien vouloir les compléter ou de les éclaircir. Oui, tout ce que vous voudrez. Mes écrits m'ont souvent gâté mes amours. Oui. Par ce sang-froid toujours naté plus haut, ce manque de cristallisation, cette faculté d'observation restée intacte. Tant pis, me suis-je dit chaque fois, écrire d'abord, j'y sacrifierais l'univers. Déjà, ce mot sacrifice me fait dresser l'oreille. Ce mot sacrifice sous votre plume m'étonne. Mais le sacrifice d'écrire. Pour écrire, je sacrifierais tout. Vous êtes donc capable de sacrifice à l'occasion. Oui, je suis capable de causer la mort de quelqu'un pour le plaisir d'écrire. Vous êtes un homme très dangereux, mais cette préférence pour votre œuvre, cette priorité que vous lui accordez sur la femme, est-ce que ce n'est pas déjà une forme de l'amour? Mais non. Vous aimez votre œuvre, vous aimez écrire. Je n'aime pas mon œuvre, j'aime écrire. Oui, Vous savez que il y a une grande différence. Oui, il faut faire la discrimination, bien entendu. Car vous savez... Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez écrit, Je ne suis ni satisfait, ni... Je trouve que rien n'est admirable. Rien. Enfin, vous aimez écrire. Vous aimez l'action d'écrire. Je vous dis, je n'ai jamais écrit que... Hop, comme ça. Vous éprouvez un plaisir plus spirituel ou plus charnel en écrivant? Donc, j'ai créé le plaisir de voir des choses qui... Non, mais vous n'éprouvez pas un plaisir presque physique à voir votre plume courir sur le papier. D'ailleurs, je crois que vous l'avez exprimé. Oui, mais les aphorismes d'amour, je les ai écrits un dimanche matin sur le seuil de ma cuisine en lavant des chemises et des mouchoirs. Alors, j'avais à côté de moi un buffet de papier et de crayon. À chaque instant, je lâchais ma brosse pour... Je n'ai jamais changé un mot. Jamais, tel que Samuel s'est écrit. Vos aphorismes sont nés le même jour. Oui. Vous les avez mûris pendant 50 ans et... Non, c'est parce que, n'est-ce pas, j'étais sous le coup d'une telle déception que j'ai fait... Une déception de quel ordre? D'insignifiance féminine. Déception d'ordre... Physique. Vous allez employer le mot sentimental. Physique. Non, d'ordre physique. Oui. Et c'était une déception d'ordre physique qui vous faisait écrire... Qui m'a fait mettre en relief une créature comme le fléau qui était hors ligne. Et puis l'autre... Parmi les autres réflexions que je voudrais vous faire commenter, il y a celle-ci, dont j'ai déjà d'ailleurs parlé tout à l'heure. La romance n'est pas mon fort. Et je crois que c'est là une des explications de vos théories sur l'amour. Parce que ce que vous avez lu tout à l'heure, bien que vous prétendiez ne pas être un dogmatique, un théoricien, c'est une théorie. Bien, je crois que dans cette affirmation, la romance n'est pas mon fort, il y a là l'explication de votre dégoût pour tout ce qui est sentimental. Au moins pour l'exhibition du sentimental. Je peux vous garantir que je n'ai jamais dit une seule fois dans ma vie une femme, je t'aime. Jamais. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne l'ont jamais dit, mais qui l'ont prouvé. Ah oui, moi non. Vous ne l'avez jamais prouvé non plus. Non. Et vous n'avez jamais été capable d'un geste désintéressé à son égard. Jamais. Vous êtes donc très semblable à une femme, puisque aussi vous êtes toujours intéressé. En somme, quand vous avez été aimable avec une femme, c'était pour pouvoir finalement la posséder. Du reste, écoutez, j'ai plus reçu de cadeaux des femmes que je leur en ai fait. Une constatation qui ne vous laisse aucun regret, ni... Non. De même que ce n'est jamais moi qui ai commencé. Jamais. C'est-à-dire que vous avez commencé souvent en attaquant. Non, une façon de jamais, commencer. Jamais. On est toujours venu me trouver à domicile pour me dire « voulez-vous ?» Voilà. Vous en brûliez d'envie et... Non, pas du tout. Vous l'aviez laissé entendre. Non, jamais. Oh, il y a une façon d'être avec les femmes qui prouvent qu'on a envie d'elles, tout en ayant l'air de leur tourner le dos. Vous avez vu ce que j'ai raconté pour le fléau qui un jour, qui vient me voir au mercure uniquement pour des questions d'immunité, et qui un jour vient me trouver en me disant « je ne viendrai plus parce que ça commence à être trop dangereux ». Moi, je ne pensais à rien du tout. Vous ne pensiez à rien ? Rien, je parle. Alors que vous pensiez tout le temps aux femmes et à la privation de femmes. J'en avais une, c'était beaucoup. Nous, je pensais aux animaux. Une autre de vos réflexions est celle-ci. J'ai toujours écrit à mes maîtresses des lettres fort vives. Avaient-elles à les lire le même plaisir que j'avais à les écrire? Je ne pensais qu'au mien, qui était grand. En somme, vous étiez plus expansif dans vos écrits que dans vos propos de vive voix. Les pencheries. Comment? Les pencheries, les polissonneries. Je n'ai jamais écrit que ça. Ah, c'est ce que vous appelez des lettres fort vives, ce sont des lettres polissonnes. Mais oui. Ah oui, elles sont vives dans les termes. Oui. Mais elles ne le sont pas dans les sentiments. Oh. Yeah. Je voulais simplement avoir cette petite explication complémentaire. Vous ajoutez, je n'ai jamais écrit une lettre d'amour sans me rebeller en écrivant contre ce que j'écrivais. Alors pourquoi écriviez-vous? Parce que ça me plaisait d'évoquer certaines choses. Et pourquoi vous révoltiez-vous contre cette expression ? Parce que vous avez bien tort, ça ne servira à rien. Et vous aviez peut-être un peu honte de vous-même ? Quand la lettre était partie, oui, mais pas quand j'écrivais. Vous dites d'ailleurs l'amour amollit. Du reste, la créature à qui j'adresse ça disait toujours, je n'aime pas les palissonneries. Elle aimait simplement les faire ? Non, oui, un peu. Alors, n'est-ce pas, quand une femme dit ça, c'est une dinde. Vous dites l'amour amollit. Certainement. L'homme qui n'aime pas a plus de virilité oui. morale. Oui, c'est la vérité. Oui, mais ne peut-on pas dire exactement le contraire ? Que l'amour virilise les hommes, que cela leur donne le sens de leur responsabilité de mâle, et qu'ils éprouvent un besoin de protection. Oh, écoutez, vous entrez dans des questions qui me sont tout à fait étrangères. Tout à fait étrangères. J'ai voulu dire là que l'homme même, qui n'aime que physiquement, il est toujours. Il y a tout de même un lien, n'est-ce pas ? Enfin, il tient quelque chose, n'est-ce pas ? Bien. Voilà. Tandis que celui qui n'aime pas du tout, il est solide. Il est plus indépendant. Oui, il est plus solide. Mais vous introduisez. Vous savez que, au fond, vous êtes un petit Roméo, vous avez des sentiments, vous avez de l'attachement, vous avez des choses comme ça. Non, vous me dites ça d'une façon extrêmement méprisante. Oh, avec grande pitié. Je ne sais pas si je dois préférer la pitié au mépris. Oh. Je crois que la pitié ne vous ferait pas plaisir à vous. Enfin, je vais enchaîner. Je voudrais savoir comment vous justifiez cette réflexion. Aimer, c'est préférer un autre à soi-même. Dans ce sens-là, je n'ai jamais aimé. Ah. Voyez. Je vois, oui. Eh bien. Ça prouve aucun attachement, la liberté complète. Mais souhaitiez-vous trouver en face de vous une femme qui, elle, était moins égoïste que vous ? Non, j'ai horreur des petits soins et de mon chéri. J'ai horreur de ça. Vous vous contentiez, en somme, d'un échange d'égoïsme ? Oui, enfin, non. Oui, ça vous paraît trop intellectuel, ce que je dis. descendons. Oui. Vous avez dit aussi qu'il y a des femmes qui attristent les plaisirs de l'amour. Oh, bon, c'est... Et comment les attristent-elles ? Parce qu'elles sont niaises, parce qu'elles sont effarouchées, parce qu'elles sont libres, parce qu'elles sont muettes. Enfin, je vous dis, n'est-ce pas ? J'ai scandalisé plus souvent qu'à mon tour. Bon, enfin, c'est comme ça. Voilà. Il n'y a qu'une personne que je l'ai scandalisée, c'est le fléau. Ah, et voilà. C'est pourquoi vous vous entendiez bien avec elle ? Oui, sur ce chapitre-là, sur le reste. Mais puisque c'était le seul chapitre qui vous intéressait. Ah oui, mais enfin, comme elle avait un caractère odieux, n'est-ce pas ? Les deux se joignaient, n'est-ce pas ? Elle était excessive en caractère et ça donnait le merveilleux côté. Votre avant-dernier aphorisme est le suivant. Je suis de l'avis de Dante, et pas du tout de celui de Stendhal et de Mérimée. Qui disait qu'ils sont toujours du bonheur, les souvenirs des choses heureuses, et vous trouvez que les souvenirs des choses heureuses empoisonnent la vie. Certainement. Quand on ne peut plus les avoir. Ouais. Et vous dites l'amour, par exemple. Ouais. Vous admettez donc que l'amour peut être une chose heureuse. Ben, naturellement qu'il est. L'amour physique. Ben oui. C'est ce qui empoisonne mon existence aujourd'hui. C'est votre regret d'avoir perdu l'amour. Oui. Du reste, je crois que je l'ai noté. Chez moi, il y a quelque temps, enfin, j'ai perdu beaucoup de fantaisie, comme ça, la faculté de rire, de me moquer, tout ça. Non, je ne trouve pas que vous ayez perdu la faculté de vous moquer. Mais enfin, n'est-ce pas ? Ne croyez-vous pas qu'il y ait une correspondance physique avec l'intellect ? Ça me paraît vraisemblable, oui. Ouais. En tout cas, vous dites que les souvenirs des choses heureuses, quand on ne les a plus, empoisonnent la vie. Mais je crois qu'on pourrait dire le contraire. On peut dire que le souvenir des choses heureuses, surtout quand on ne peut plus les avoir, continue d'égayer la vie. Ah oui, ben je vous dis, c'était pas tel la vie de... la vie de... Oui, ben je trouve que Mérimée et Stendhal avaient plus raison que vous. Peut-être, je ne dis pas le contraire. Et votre dernier aphorisme sur l'amour est très court. Ces notes plairont aux hommes, déplairont aux femmes. Ouais. Eh bien, ne croyez-vous pas que ce soit vrai? Bon, je crois que c'est une affirmation un peu présomptueuse, parce qu'enfin, tous les hommes ne vous ressemblent pas. Personnellement, vos notes ne m'ont pas tellement plu. Je sais bien que vous avez sur mon compte une opinion extrêmement désavantageuse. Vous me la confirmez? Alors vous ne croyez pas que la majorité des hommes peuvent éprouver un plaisir, si vous voulez, de méchanceté, entendre dire du mal des femmes? C'est possible. En tout cas, pas tous les hommes. Quand vous dites ces notes plairont aux hommes, on pourrait croire que vous ne faites pas d'exception. Et quand vous dites qu'elles déplairont aux femmes, on pourrait croire aussi que vous ne pensez pas qu'il puisse se trouver des femmes capables d'objectivité. Si jamais on apprenne ça, je mettrai une note pour vous. Une note pour bien frappée. Sauf pour M. Je crois que... Oui. Oh non, oh, vous savez que vous êtes particulier. Vous avez des côtés qui, pour moi, me sont étrangers complètement. Mais je dois dire que la réciproque est vraie. Oh non. Oh. Mais la réciproque est vraie, bien sûr. Vous m'avez dit que le plaisir d'écrire était en vous beaucoup plus fort que le plaisir d'aimer, que vous y aviez sacrifié plusieurs fois les femmes. Vous avez écrit, j'ai vécu deux fois à certains moments de ma vie, d'abord en les vivant, ensuite en les écrivant. Et vous avez cru bon d'ajouter, je les ai certainement vécues plus profondément en les écrivant. Comment expliquez-vous une telle jouissance? Car je crois que le mot n'est pas trop fort. Lorsque vous ressuscitez vos impressions et vos observations, vous m'avez répété que vous n'aviez pas d'imagination. Mais il faut croire que la sensibilité littéraire chez moi est plus forte que la sensibilité des événements sur le moment même. Il faut croire que ce que j'ai vécu prenait plus de saveur, relief en les écrivant qu'en les vivant. Les choses qu'on vit quelquefois, on les vit inconsciemment sans y porter grande attention. Et ensuite, vous en prenez véritablement conscience en les réécrivant, en les repensant. Ouais. Exactement. Et vous avez dit écrire quelque chose de merveilleux. Deux individus associés en un seul. L'un dont la plume court au gré de son esprit, l'autre en même temps qui surveille, juge, pèse, décide. Vous écrivez donc pour éprouver une satisfaction. Mais cette satisfaction, vous la trouvez dans l'approfondissement de votre personnalité, je veux dire dans le repli sur vous-même, ou au contraire dans l'évasion hors de vous-même, car on peut s'évader de soi, ou plus exactement se libérer en se complaisant dans l'examen de ses propres réactions. Mais ce que vous me citez ne signifie pas ça. Il signifie, n'est-ce pas, qu'on doit écrire avec vivacité, mais en même temps se surveiller. Il faut que le sens critique ne disparaisse pas. C'est pour ça que je dis, n'est-ce pas, que chaque fois qu'on écrit, ça doit correspondre à un progrès dans la façon d'écrire. Mais vous ne répondez pas exactement à la question. Je vous demandais si, en écrivant, vous recherchiez, ou si au contraire vous cherchiez à vous sortir de vous-même. Oh non. Ça, c'est compliqué ce que vous me posez. Au contraire, je n'ai jamais écrit que sur moi, pour ainsi dire. Oui. Mais vous dites toujours « c'est ainsi » plus facilement que « pourquoi est-ce ainsi ?» Mais cela n'empêche pas la complexité d'exister. Et c'est cette complexité que j'aurais voulu que nous débrouillions. Je ne suis pas compliqué pour deux sous. Non. J'écris et puis voilà. Et cependant, vous dites « c'est un curieux mécanisme intellectuel que celui de l'écrivain. » Il y a en même temps la spontanéité et l'observation. Donc la spontanéité et l'observation constituent la clé, si je peux dire, de ce mécanisme. Mais oui, et je trouve qu'il doit en être ainsi, il devrait en être ainsi pour tous les gens qui écrivent. Mais avant d'aborder le problème littéraire, je voudrais vous poser une question préliminaire. Vous faites en effet très souvent le procès de tout ce qui est littérature. Et vous aimez à dire, à quoi bon écrire? Vous allez même parfois jusqu'à l'écrire. Ce qui peut à bon droit paraître paradoxal. Vous me faites un peu penser à Sénèque écrivant l'éloge de la pauvreté sur un pupitre d'or, quand vous consacrez des textes à dire qu'il vaut mieux ne pas écrire. J'en viens donc à vous demander comment vous conciliez cette répulsion, répulsion véritable pour la littérature, avec votre passion d'écrire. Oui, mais je n'ai jamais trouvé que ce soit extraordinaire d'écrire. Je n'ai jamais considéré comme un plaisir. Il y a des gens qui vont au café, moi j'ai passé mon plaisir à écrire. Quant à trouver que c'est monumental, non. Je ne trouve pas. Mais vous n'aviez jamais l'impression que vous faisiez œuvre de littérateur. Non, n'est-ce pas? Je n'ai jamais écrit pour moi, pour le plaisir de noter des choses qui me venaient en tête. Oui, mais le fait d'écrire pour soi peut correspondre à de la littérature. Oui. Tous les écrivains écrivent pour eux avant d'écrire pour le public. Ah, non. Enfin, ils devraient écrire pour eux. Les écrivains dignes de ce nom écrivent d'abord pour eux. Enfin, écoutez, nous parlons seulement des écrivains dignes de ce nom. Non, la plupart des écrivains qui font des romans écrivent pour l'extérieur. Mais nous ne parlons pas d'eux. Nous parlons de ceux qui ont vraiment quelque chose à dire et à s'exprimer. Il y a des gens très importants. J'ai dit récemment, j'écris pour les gens qui viendront plus tard. Ce que je trouve un monde. Mais on peut écrire pour soi en écrivant en même temps pour ceux qui viendront plus tard. Non. Il n'y a pas antinomie. Ah, il y a une grande différence. Il y a une grande différence morale. Et vous pensez donc, vous, avoir banni la littérature de votre expression? C'est très compliqué ce que vous voulez. Mais non, je veux dire que vous pensez ne pas avoir fait du tout de littérature en écrivant. Oui. Vous avez écrit simplement parce que vous aviez envie d'écrire. Oui. Ensuite, on a dit, ben oui, ça correspond à une forme de littérature, mais vous n'avez jamais voulu être un littérateur. Oui. Mais je crois que par le seul fait d'écrire, on est un littérateur. Même quand on écrit exactement comme on parle. Et vous n'échappez pas à la règle. Vous échappez à la littérature artificielle pour accéder à la littérature la plus authentique, mais cela est une autre affaire. Oui, mais écoutez, faire de la littérature, c'est embellir les choses tout de même. Voilà. C'est ça qui s'appelle la littérature. C'est l'embellissement de ce qu'on peut avoir exprimé. Alors ça, c'est de la littérature. C'est le côté abominable, à mon avis. Et le côté romance. Oui, le côté embellissement, le côté présentation, le côté art, ce mot abominable. Pourquoi ce mot abominable? Pouvez-vous me dire quel est pour vous le critère de, je suis bien obligé d'employer le mot, de l'art de bien écrire? Je vous dis que j'abomine le mot art en littérature. Oui, mais alors remplacez-le par un autre mot. Et nous parlerons de la même chose, mais avec une autre appellation, si vous voulez. Comment voulez-vous dire, si vous ne dites pas l'art d'écrire? Vous direz la façon d'écrire? Oui, le mode d'écrire. Alors, quel est pour vous le critère? Écrire comme ça vient, voilà, uniquement. Écrire au jet de la plume. Au jet de la plume. Et puis, je vous dis que je trouve qu'en général, on est peu responsable de ce qu'on écrit. Ça vous vient comme ça. Mais vous pensez que quand on cherche à avoir de l'esprit, on n'en a pas, et que le véritable homme d'esprit écrit naturellement... Il n'en est pas responsable. Oui. Alors je pense que vous partagez tout à fait les affirmations, plus exactement la théorie de Buffon, qui disait qu'il faut d'abord bien penser, ce qui est la part de l'intelligence, bien sentir, ce qui est la part du cœur et de l'imagination, et ensuite, bien rendre ce qui est la part du métier. Et vous, admettez qu'il faut de l'intelligence et du métier. Tout ça, c'est bien des préoccupations que je n'ai jamais eues. Mais vous avez dit que le mécanisme de l'écrivain était compliqué. C'est curieux, avez-vous même dit. Non, j'ai dit. Ben voilà, c'est ce mécanisme que nous analysons. En même temps qu'on court, on se surveille de ne pas faire de faux pas. Vous admettez donc le rôle de l'intelligence et celui du métier. Mais certainement. Et celui du cœur aussi. Ah bon, celui du cœur, ça n'est pas de ce qu'on écrit. Oui, vous appelez plutôt le cœur la sensibilité. Oui, enfin. Oui. N'est-ce pas, moi, j'ai toujours senti fortement ce que j'écrivais, quoi que ce fût, n'est-ce pas? Même quand je disais une méchanceté, je la sentais fortement. Voilà. Je n'ai jamais été en bois, mais je ne l'ai jamais fabriqué. Et votre art, c'est de la fabrication. Mais est-ce que vous pourriez nous développer, car je vois que, au fond, ces questions que je vous pose ne vous plaisent pas tellement. Je dois vous les poser d'une façon trop compliquée. Elles sont compliquées, voilà. Oui. Je trouve que tout est beaucoup plus simple. Et je crois que je vois que vous avez un petit papier devant oui, vous. Oui, oui, oui. Vous avez peut-être préparé des réponses à des questions que vous ne connaissiez pas encore, ce qui suppose peut-être un chevauchement des questions que j'allais vous poser, des réponses convenu, que vous allez me il faire. Il était convenu que nous parlerions de la littérature, n'est-ce pas? Eh bien alors, je vous dis, bon, alors... Alors ce que je vais vous demander, c'est de bien vouloir répondre à des questions que je ne vous aurais pas posées, mais que j'aurais pu vous poser. Comme ça, vous serez sûr qu'elles n'auraient pas été trop compliquées. Alors, j'ai quelquefois trop de vivacité. Aujourd'hui, pour ne dire du mal de personne, j'ai mis par écrit mes réponses aux questions que je pensais vous poseriez. Et que je ne vous ai pas posé, mais enfin... Si, en quelque sorte, déjà. Alors, n'est-ce pas, je parle de la façon dont on est chez moi, le goût d'écrire, n'est-ce pas, jusqu'à aujourd'hui. Alors, n'est-ce pas, j'ai mes années de grande lecture de 1895 à 1900. Des plaisirs incomparables jamais retrouvés dans la suite. Renan, Taine, Dickens, Voltaire, puis Barrès, le jardin de Bérénice, un enchantement. Puis la correspondance en deux volumes de Stendhal, qui n'a pas bougé pour moi. Le Brûlard, le souvenir du gothisme. La Chartreuse et le Rouge et Noir, qui m'assomme aujourd'hui complètement, comme tous les ouvrages d'imagination. Je ne peux plus lire ça, ça me rase. Ce sont des ouvrages que vous aimiez lire quand vous aviez quel âge? Je vous dis, de 22 à 25 ans. Voilà. Parce que vous savez, n'est-ce pas, je n'ai jamais fait d'études. Je suis sorti de l'école communale à 15 ans et demi, j'ai été mis à travailler. Alors, je me suis développé moi-même, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je vous dis, j'ai passé la 5 années environ à lire, je vous dis, incomparable, incomparable. Mais qu'est-ce qui vous guidait dans le choix de ces lectures? Mais ce que j'avais entrouvert sous le Léon. Alors, j'avais acheté Renan, j'avais acheté... Vous n'aviez personne pour vous conseiller? Personne. Personne. J'étais clair d'avouer. Je rentrais chez moi à 6 heures, à 6 heures et demie j'avais dîné, et de 6 heures et demie à minuit, je lisais. Voilà. Et puis alors, ensuite, la Rochefoucauld, qui est restée inépuisable pour moi. Je trouve qu'on peut se passer de tous les livres avec la Rochefoucauld. Et puis Champfort, que je trouve presque son égal. Vous aimez Champfort et je crois qu'on vous a souvent comparé à lui. Quoique, vous savez, il a un côté bien défavorable à mes yeux, c'est sa crise de jacobinisme de 89 à 93. Vous savez qu'il est tombé dans les idées de la Révolution avec des paroles du dernier démagogue, par exemple, de dire comme ça, n'est-ce pas, je ne croirai pas à la Révolution tant que je verrai circuler ces carrosses dans Paris. Comme peut-on dire un propos aussi bas, n'est-ce pas? Et alors, quand il s'est repris, quand il a vu les excès et les crimes de la Révolution, il a eu cet autre mot pour résumer, soit mon frère, ou je te tue. Voilà. Oui, c'est une drôle de façon de concevoir la fraternité, je le reconnais. Mais je crois que ce qui vous oppose à Champfort, c'est cette attitude démagogique, cet engagement politique que vous réprouvez, mais ce qui vous rapproche de lui, je crois, c'est sa façon de railler cette espèce, quelquefois même, de méchanceté qu'il a. Oui. Il était renommé pour sa méchanceté. Je vous dis, je le trouve presque l'égal de la Rochefoucauld, certainement. Avec quelque chose tout de même de plus caustique, de plus dur, de plus cruel. Oui, oui, oui. Il fait souvent des personnalités, n'est-ce pas? Et c'est lui, je crois, qui a dit « La pire des mésalliances est celle du cœur ». Oui. C'est une phrase que vous devez approuver. Oui, oui. Et puis alors, Courrier. J'ai beaucoup aimé, enfin, je le trouve un peu littéraire, mais enfin, il y a de très belles choses dans Courrier. Et puis, le Nul Rameau de Diderot, ça qui est une chose... Mais je crois que vous préférez beaucoup Diderot à Rousseau. Ah oui, je n'aime pas Diderot, moi, je n'aime que le Nul Rameau. Le reste m'assomme. Mais le Nul Rameau est prodigieux. Et Rousseau vous insupporte, je crois. Vous le trouvez pleurard, vous avez dit. Je n'aime pas les... du reste, le Rameau était tellement une chose remarquable que Diderot n'a pas eu le courage de la publier. Vous savez comment a été connu le Nul Rameau. Goethe avait trouvé en Allemagne un manuscrit du Nul Rameau. Alors il l'a traduit en allemand. Ensuite, il y a un nommé Brière et je ne sais quel autre qui ont traduit le Nul Rameau de l'allemand en français, en sautant, comme avait fait Goethe, les passages libertins. Alors, les passagers Bertin ont été rétablis beaucoup plus tard. En 92, par l'archiviste de la Comédie Française, Morval, qui avait trouvé sur les quais un fort recueil de manuscrits dans lequel il y avait le manuscrit de Rameau intégral. Alors ça a apparu dans la collection Les Vieilles Riennes, plomb. Alors ensuite, les éditions successives ont tenu compte, du texte complet. Et puis il y a Lichtenberg, le chanteur allemand, qui est remarquable, vous savez, remarquable. C'est lui qui a eu ce mot merveilleux. Sur les saints. Oui, c'est très beau. Les saints en bois sculptés ont plus fait dans le monde que les saints vivants. Ah, regardez ça, toute la religion est là-dedans. Enfin, toute la religion telle que vous la concevez. Mais non, mais enfin, vous avouerez. Je n'avouerai rien du tout, parce que je ne suis pas de votre avis. Je pense que les saints en chair et en os ont fait plus pour la religion que les statues de saints. Mais non, écoutez, regardez. Je pense que l'un complète l'autre, que les regardez, saints en chair et en os... Regardez, depuis l'Antiquité, ce sont les saints sculptés qui font les effets, c'était compris, c'était qu'on invoque. Mais les hommes n'ont pas beaucoup d'imagination, vous le savez, vous ne savez pas. Alors ils ont besoin d'images qu'on leur impose pour pouvoir prier plus facilement. Et puis alors, de nos jours, il y a un homme qui m'enchante, qui me plaît beaucoup, l'homme. Ses manières, ses défauts, tout ce qu'il écrit, c'est Binda. Julien Binda. Binda me plaît énormément. Même ses défauts. Binda. Je n'ai jamais aimé, ou très passagèrement, vers 19 ans, les écrivains sentimentaux. Oh, je me lève. J'aime les moqueurs, les sarcastiques, les ronchonneurs. Je mets à haut prix ceux qu'on appelle les écrivains d'humeur. Mes premières lectures vers 15 ans, Walter Scott, Paul de Kock, Armand Chatrian, et ce qu'on a appelé le vieux théâtre du boulevard du Temple, toutes les brochures de théâtre que mon père avait dans une malle. Ça remonte très loin. L'unique style qui compte pour moi, que je mets au plus haut point, c'est le style de la conversation. Écrire... Mais avant que vous abordiez ce problème du style, je voudrais savoir si vos lectures vous ont influencé. Est-ce que tous ces auteurs dont vous venez de parler, que vous avez aimés, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont provoqué une réaction chez vous ou une contraction? Non, ce qui m'a appris à écrire, c'est de lire des écrivains bavards. Voilà. Je peux dire que tout jeune, quand je lisais des gens qui n'en finissaient pas, ma réaction était vive. C'est là que j'ai appris à écrire, beaucoup plus que dans les livres que j'ai lus m'ont donné une culture littéraire, mais apprendre à écrire, ce sont des mauvais écrivains qui m'ont appris à écrire. Et ce sont aussi les poètes qui vous ont appris à écrire? Non. Vous n'en parlez pas du tout, et cependant vous avez été un passionné de Mallarmé, vous le disiez. Oui, mais enfin, Mallarmé m'a jamais appris à écrire. Mallarmé n'apprend pas à écrire, les poètes n'apprennent pas à écrire. C'est cependant en lisant Mallarmé que vous avez eu l'impression, tant tout jeune, de ce qu'il fallait faire pour être concis, et ensuite de ce qu'il ne fallait pas faire pour être clair. Non. Si dans votre journal de 1893-94, j'ai relevé des textes dans lesquels vous exprimez cette grande admiration pour Mallarmé, puis ensuite cette désaffection. Oui, mais ça n'a jamais touché la qualité de la langue. Et si cette désaffection venait d'une espèce de réaction contre Mallarmé? Non, parce que vous n'aviez plus envie d'écrire comme lui, donc votre personnalité s'affirmait en face de la sienne. Les heures que je fais, c'est une minute dans ma vie. Ça. Mallarmé m'avait séduit parce qu'il y avait une sorte de sonorité verbale que je continue à trouver. Mais je parle plus de l'influence de Mallarmé sur vous par réaction que par action. Vous avez eu envie de ne plus faire comme lui. Non. Je n'ai, pour ainsi dire, jamais fait de Mallarmé, voyons. Un petit peu, oui. Non. Ah, si un homme comme Barrès, à un moment donné, a plus marqué sur moi pour le style que les poètes. Les poètes ne prennent pas à écrire, d'abord les poètes, ils apprennent à écrire autrement, c'est ça que je veux vous faire dire. C'est en lisant que vous avez eu envie de ne pas faire comme eux. Non. En lisant Champfort que vous avez eu envie d'écrire comme Champfort, et en lisant les poètes que vous avez eu envie de ne pas faire comme eux. Je, J'ai lu Champfort beaucoup plus tard que Mallarmé. En tout cas, puisque je vois que cette question de la poésie vous importune et que vous niez le rôle, en somme, qu'elle a tout de même joué dans votre formation. Je nie que les poètes apprennent à écrire en prose. Voilà. C'est-à-dire qu'ils donnent une conception de la prose qui, justement, s'oppose à la leur. D'abord, les poètes, généralement, écrivent fort mal la langue française. Voilà. On ne peut pas généraliser. Bon, tout de même. Écoutez, je ne laisse pas, tous les poètes romantiques sont abominables au point de vue de la langue française. C'était Entretien avec Paul Léoto, propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Ces entretiens Paul Léoto, Robert Mallet, réalisés par Georges Godbert, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale en avril 1951. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, la suite et hélas presque la fin de ces entretiens que vous pouvez retrouver par ailleurs édités au Mercure de France. Thank you.